A one, a two, a one, two, a one, two, three, four. Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous punk rock, musique expérimentale, diverses et variées, du 100 FM sur le Radioactive commence immédiatement avec les Notes et leur morceau Red King, c'est parti. Plus de occasionne, tout défectionne. Je veux pas mieux, je déraisonne. Tout du normale dans sa fesse, sans beauté en allégresse. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, ce n'est pas si déprimant. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, bien que je sois encore vivant. Mais là, je porte les antidotes, tous les rayons, tous les poisons, les excitants, les sentiments, la redondance et les carences. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, ce n'est pas si déprimant. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, bien que je sois encore vivant, pourtant. Il y a tant de choses, il y a tant de causes, il faut que bientôt je repose. J'ai pas ce corps, mais ça m'étonne, on me coupe le téléphone. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, ce n'est pas si déprimant. Je n'irai pas jusqu'à 25 ans, bien que je sois encore vivant, encore vivant. Mais en même temps, sur cette image que le nez proéminent, les yeux perçants épinglaient dans ma vision, peut-être parce que c'était eux qui l'avaient d'abord atteinte, qui avaient fait la première encoche, au moment où je n'avais pas encore le temps de songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait être Madame de Guermantes. Sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée. C'est Madame de Guermantes, sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image comme deux disques séparés par un intervalle.

cost more than we could pay. Why leave on second hand? Mais cette madame de Guermantes à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination qui, un moment paralysée au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux dès avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. » Got to kill a fool, find something to do. merveilleuse indépendance des regards humains, retenus au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible qu'ils peuvent se promener seuls loin de lui pendant que Madame de Guermantes était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts. Ses regards flânaient çà et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Yeah! Quant à Madame de Guermantes elle-même, comme elle restait immobile, assise comme une mère qui semble ne pas voir les audaces espiègles et les entreprises indiscrètes de ses enfants qui jouent et interpellent des personnes qu'elle ne connaît pas, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait, dans le désœuvrement de son âme, le vagabondage de ses regards. Yeah. One moment, please. Lay awake, I don't give a shit. If I even ever wake up in the morning, down below, there's a pot of sin. Always waiting for, waiting for a warning. Burning the stake, tired of glycerin. Not a whisper looking in, you never know it. Miles below, I look up again. When you step in, say before you never show it. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment. Car je me rappelais que depuis des années, je considérais sa vue comme éminemment désirable et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. I wanna call requests through heating vents and hear them answered with a whisper no. To crack the code of muscle slack and tense. Let every second step in boots on snow. Complete your name with accents I can't place that stumble where the syllables combine. Take depositions from a stranger's face. Paint every insignificance a sign. So tell me nothing matters less or more. Say whatever we think actions are. We'll never know what anything was for. If near is just as far away as far, then I'm permitted one act I can say. I choose to sit here next to you and wave. From the studio audience now, thunderous and well-deserved applause for The White Stripes. Let's be friends, baby. Oh, baby, let's be friends. hand, so put your fingers in my hand, baby, let's be friends. We'll be right back. Tesco, well, what did we do? But seek security one way or another. Oh, when we left school, well, what did we do? But seek security one way or another. Maintenant que me le faisait trouver beau, toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu'on a toujours de ne pas avoir été déçu, la replaçant, puisque c'était une seule personne qu'elle et cette duchesse de Guermantes que j'avais évoquée jusque-là, hors du reste de l'humanité dans lequel la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Madame de Sazerat, que Mademoiselle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à l'attache de son cou et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriais devant ce croquis volontairement incomplet. Quelle est belle, quelle noblesse, comme c'est bien une fière guermante, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi. It's another fucking day, it's the best day ever again. Cause I'm a stupid fucking cat and I don't know shit, and I don't know what it is to be sad. I think I'll run around for no good reason and act like there's stuff I gotta do. I have no idea how much the world sucks cause I have no reference level. Holy hell, that guy's bringing me food. This food sucks but I don't even know it. Now I'm shitting in a box cause I don't give a fuck, and the guy throws it out for me. Now I think I'll lie down here, now I think I'll lie down here, cause I got no fucking bills to pay. Sometimes I look out windows cause I'm stupid as hell. Holy Christ, it's a piece of paper. I have no idea how pointless I am, and I don't even know I'm gonna die. Now it's time to go to bed, gotta get some fucking rest cause it's the best day ever tomorrow. Thank you. this morning. Hey, Mail Express, there was a piece of paper. I written it, said a piece of letters, you know what I'm rhyming. Et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient, sauf elle et le Suisse qui répondit affirmativement quand je lui demandais si cette dame était bien Madame de Guermantes. City on the eastern front in a boast about to take Sunday. done about it. Open on Friday and close on Monday. When I get strung out, I go to us by Subway. Mississippi.